J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, 14h sur France Culture, toujours en direct du studio numéro 1 de la maison ronde, de la maison de la radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, à notre sujet, des objets de la mer, des formes de la mer, qu'on va dire scélérates, les vagues scélérates, des vagues immenses, des vagues terribles. Et pour les comprendre, les envisager, nous sommes avec Michel Olagnon, il est ingénieur en génie océanique, et il est l'auteur, avec Jeannette Kerr, d'un ouvrage qui est tout simplement, si je puis dire, intitulé « Anatomie curieuse des vagues scélérates ». Mais pour pas perdre nos bonnes habitudes, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens la cigale. La cigale, mais pas n'importe laquelle. La cigale bossue, dite ou alias, Issus coleoptratus, coleoptratus. Ou, en d'autres termes, la cigale bossue. Cette cigale bossue est un petit insecte sauteur, capable de faire des bonds de près d'un mètre. Alors, comment cette cigale bossue, ce petit insecte sauteur, fait-il pour synchroniser le mouvement de ses pattes arrière lors de ses bonds, alors que le moindre décalage du mouvement entre ses deux pattes antérieures pourrait entraîner sa chute au cours du saut? Pour synchroniser le mouvement de ses pattes arrière lorsqu'elle saute, notre cigale dispose de deux engrenages naturels équipant l'une et l'autre de ses antérieurs. Emboîtés l'un dans l'autre, ces engrenages permettent alors à cet insecte sauteur de détendre ses pattes de façon parfaitement synchrone. Ces véritables engrenages dits naturels, eh oui, et qui équipent donc chacune de ses pattes arrière sont emboîtés l'un dans l'autre. Ce sont de véritables roues dentées, dont chaque dent mesure 20 microns de longueur à peu près. Ces roues permettent ainsi à la cigale bossue de détendre ses deux pattes de façon, encore une fois, parfaitement synchrone. Et cette découverte inédite, qui est à mettre à l'actif des zoologistes britanniques Malcolm Burrows et Gregory Sutton de Cambridge, a été publiée dans la grande revue Science. Selon les auteurs de la découverte, cette caractéristique physiologique est ni plus ni moins indispensable au bon déplacement de la cigale bossue. En effet, ces insectes sont capables de décoller en 2 millisecondes et cela pour une vitesse de décollage de 4 mètres secondes. Réalisant alors des bonds qui avoisinent encore une fois le mètre, des performances pour lesquelles la seule synchronisation permise par le système nerveux de l'insecte ne serait pas suffisante. La commande cérébrale ne pourrait pas marcher. Grâce à l'action de ces minuscules engrenages des pattes arrière, encore une fois, cette cigale bossue peut ainsi effectuer des sauts parfaitement maîtrisés, sans crainte donc de partir en vrille en plein milieu de vol. Mais une question demeure, la voici. Comment font les autres insectes sauteurs, qui ne possèdent pas des engrenages naturels analogues à ceux de notre cigale bossue? Comment par exemple les sauterelles? Ou comment, par exemple, les puces, pour garder leur stabilité lorsqu'elles effectuent des bonds, font-elles? Eh bien, en fait, pour ces insectes, ce problème de stabilité ne se pose pas, tout simplement. En effet, les auteurs de l'étude expliquent que, contrairement aux cigales bossues, dans les zones de jonction entre les pattes arrière et le corps, sont situées côte à côte des pattes postérieures des puces et des sauterelles, et sont fixées à l'opposé l'une de l'autre de chaque côté du cœur. Du corps, pardon. On voit donc très bien que dans cette position-là de notre sauterelle, de notre cigale bossue, elle a à tout coup une très bonne stabilité dans ses sauts, comme d'ailleurs les autres dans une disposition tout à fait différente qui n'a pas besoin d'engrenage. Bref, est-il besoin pour conclure de saluer à nouveau l'infini inventivité de la nature? Bonjour Michel Olagnon. Bonjour. Vous êtes venu de Brest. Oui. Et je vous ai présenté donc comme ingénieur en génie océanique. Mais la première question que j'ai bien évidemment envie de vous poser, puisque l'objet qui va nous occuper, l'objet qui forme le sujet unique de votre ouvrage, est absolument exceptionnel. Donc comment est-ce que vous êtes devenu, est-ce que je peux dire amoureux, curieux, des vagues scélérates, ces monstres marins? J'ai toujours rêvé de travailler avec la mer. Oui. Et donc, en sortant de Polytechnique, j'ai eu une bourse pour entrer au CNEXO, à l'époque, qui est devenu l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et pour faire de la recherche sur les vagues. Bon. Mais c'était sur l'action des vagues sur les structures. Bon. Ah. Et les vagues de cognantes. Voilà. Oui. Et au bout de quelques années, j'ai trouvé que c'était pas ça ma tasse de thé. Ma tasse de thé, c'était vraiment de comprendre l'environnement, pas la manière dont il agit sur la structure. Alors c'est rare de voir un X qui fait pas pont, mine pont, et qui se retrouve dans l'appareil d'État, voire à essayer de compliquer le jeu des neutrons lents dans les centrales nucléaires. Vous, ça ferait plaisir à Pierre-Gilles de Gennes d'ailleurs de voir un X qui s'est intéressé à ce phénomène-là naturel. Il y a d'ailleurs des points communs hein, avec les fluidités, avec des fluides et leurs caractéristiques, puisqu'il va s'agir que de fluides. Alors. Petit à petit, donc, vous êtes emparé de cet objet. Mais à quel moment vous êtes dit « Bon, voilà, maintenant, je vais me concentrer vraiment sur ces monstres marins ?» Ouais, c'était dans les années 90. Même à la fin des années 80, j'ai participé à une rencontre avec la plupart des grands scientifiques de vagues de l'époque. Oui. Bon. Et le gros problème, c'était ces vagues extraordinaires qu'ils avaient mesurées sur certaines plateformes en mer du Nord. Oui, les plateformes offshore, oui. Voilà. Et il fallait comprendre ce que c'était que ces extrêmes. Bon. Et puis, vers la fin des années 90, le problème qui m'intéressait, mais qui n'était pas vraiment financé, est revenu à l'ordre du jour parce qu'il fallait réécrire les normes de la profession offshore. Et là, il y avait la question, est-ce que le pont est suffisamment haut pour que la vague passe dessous? Oui, et parce qu'on verra d'ailleurs par où sont très souvent attaqués les bateaux, justement. Et donc, vous avez commencé à vous intéresser en particulier aux plateformes. Alors, il se trouve que je les ai visitées, j'ai trouvé que c'était très très impressionnant. J'ai été sur le champ de Frigg's, en mer du Nord, et j'ai vu, en tout cas, j'ai pas vu de vagues scélérates, mais c'est un jeu de tempête permanent, hein, quasiment, hein, qui entoure les piliers de ces plateformes. Oui, en effet, ça monte très haut et on a des mesures qui nous font craindre à chaque fois que la vague tape dans le pont inférieur de la plateforme. Oui. Généralement c'est la buanderie qui est là. Bon, oui. Les gens ont peur pour leur buanderie. Est-ce que la vague va taper dans le pont inférieur de la plateforme? Bien sûr, et on y reviendra puisque de toute façon vous avez fait un certain nombre de calculs qu'il faudra quand même rappeler parce que c'est un sacré travail d'investigation et de compréhension, ne serait-ce que les données statistiques, on va le voir. Mais moi, je remonte tout de suite, si vous le permettez, au 4 août, mais pas n'importe lequel, pas le 4 août de la fin des privilèges, le 4 août 1498, du côté de l'île de Trinidad, dans le détroit, qui sépare donc cette île, Trinidad et Tobago étant un seul pays, de la côte vénézuélienne, et sur une caravelle, il y a un nommé Christophe Colomb, et qu'est-ce qu'il voit ce jour-là? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ben, ce jour-là, il n'arrive pas à dormir, donc il est sur le pont, il a mal à la tête, et puis d'un seul coup, il entend un grand bruit, Et il se tourne vers la direction d'où vient le bruit, et il voit une vague immense qui arrive sur ce, sur ces bateaux, et il se demande si les, les bateaux vont résister, enfin, surnager face à cette vague. Bon, alors que le temps n'était pas si mauvais que ça. Bon, effet de surprise donc. Voilà. Donc il a un effet de surprise, et puis bon, bah, puisque Christophe Colomb est revenu de ce voyage-là, c'est que les bateaux ont réussi à surnager. Bon. On peut convenir qu'il a fait le bouchon, donc, d'une certaine façon. Hein. Oui. Alors moi, je vous propose de lire tout de suite, c'est un autre aventurier que je trouve absolument exceptionnel parce qu'il a réussi à venir sauver son équipage. Je parle bien sûr de Shackleton, qui est l'un des co-découvreurs du pôle sud magnétique, hein, qui était parti en expédition. Le retour s'est mal passé. Et à ce moment-là, il a dû laisser son équipage presque complet, moins 5 compagnons, sur une île, l'île de l'éléphant, et il est parti pour essayer de trouver du secours sur un canoë. Et il a été, essayé de rallier, ce qu'il a réussi, l'île de South Georgia, hein, Georgia, l'île de Géorgie du Sud. Et voilà ce qu'il dit, parce que je trouve que c'est tout à fait significatif. Le 11e jour, une formidable mer croisée se développa. Mais vers minuit, alors que Shackleton tenait la barre, on distingue une ligne de ciel clair dans le sud-ouest. Et là, Shackleton décrit. Je lançai aux autres que le ciel s'éclaircissait. Puis, je me rendis compte que ce que j'avais vu n'était pas une déchirure dans les nuages, mais la crête blanche d'une énorme vague. En 26 ans d'expérience de l'océan, sous toutes ses humeurs, je n'en avais jamais rencontré d'aussi gigantesque. C'était un soulèvement puissant de l'océan, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les mers surmontées d'écume qui avaient été nos infatigables ennemis pendant bien des jours. Je hurlais « Pour l'amour de Dieu, accrochez-vous, elle nous tient !» Puis vint un moment de suspens qui sembla s'étirer en heures blanches. L'écume du déferlement nous enveloppa, nous sentîmes notre canot soulevé et lancé en avant comme un bouchon de liège dans une déferlante. Nous étions dans un chaos bouillonnement d'eau torturée, mais d'une manière ou de l'autre le canot survécut à demi rempli, ployant sous son poids, et frémissant sous le choc, nous écopâmes avec l'énergie d'hommes qui combattent pour leur survie, rejetant l'eau par-dessus bord au moyen de tous les ustensiles qui nous tombaient sous la main. Et après 10 minutes d'incertitude, nous sentîmes le bateau revenir à la vie sous nos pieds. Sacrée expérience, c'est bien écrit, mais d'ailleurs vous écrivez bien vous aussi, hein, parce que vous avez une façon de décrire les vagues. Je ferai une petite lecture courte de votre manière d'écrire, un petit peu hugolienne, disons. Allez, c'est un des ils sont pas très nombreux, hein, les on peut dire c'est ça, hein, les témoignages directs. Bah, y a quand même beaucoup de témoignages, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire. Bon, j'avais fait des calculs, quelqu'un qui passe la totalité de sa vie à la mer devrait peut-être rencontrer une vague, mais très rarement plus. Bon, une vague, donc scélérate. Bon. Et bon, il se peut que la vague scélérate, ce soit une vague de 3 mètres un jour où il n'y a qu'un mètre de creux. Donc, si c'est ça, il n'en gardera pas le souvenir. Hein. Oui, c'est ça. Mais si c'est une vague de plus de 29 mètres, 30 mètres, ouais, là, ça change l'affaire, bien sûr. Bien sûr, et même des fois moins, parce qu'il n'y a pas que la hauteur qui compte dans la sévérité de la vague. Sa raideur compte aussi. On va venir à ces définitions, d'ailleurs. Alors, il y a, vous le dites, il y a deux énigmes, d'une certaine manière, dans ces affaires de vagues scélérates, Michel Lagnon. Vous dites qu'il y a ceux qui pensent que les choses ont un attrait pour le désordre, et puis les autres qui pensent que les tempêtes sont un désordre apparent, mais qu'en fait, sous ce désordre apparent, il y a une véritable homogénéité. Donc on peut dire, un, que évidemment, toutes les vagues, et les vagues scélérates, elles aussi, sont les filles du vent. D'abord, c'est la première chose. Et puis, que elles sont homogènes. Oui, ce sont des combinaisons aléatoires de vaguelettes. Quand le vent souffle sur la surface, il crée des vaguelettes qui fusionnent entre elles et qui vont là où il y a plusieurs crêtes qui s'additionnent, ça va monter. Là où les crêtes et les creux s'annulent, ça va rester au niveau moyen. Petit à petit, il se forme de plus en plus de vagues grandes, mais aléatoires. Et jusqu'à ce que ça quitte la tempête, on a le mélange de toutes sortes de vagues en même temps. Et puis quand ça quitte la tempête, il se produit un filtre parce que les vagues ne voyagent pas toutes à la même vitesse. Et donc on finit par ne retrouver que des vagues à une période donnée, à une longueur d'onde donnée, et à une grande distance de la tempête, on a ce que les surfeurs connaissent bien au bord de la plage, qui sont des belles houles régulières. C'est ça, les hot shots, oui, où on va pour faire du surf, c'est ça, oui. Ouais. Et alors ? Et là, ils en profitent parce qu'elles finissent par s'écraser, c'est ça? Et là, ils en profitent parce que les vagues qui ont traversé les océans ne s'amortissent vraiment qu'en arrivant à une côte. Si elles s'amortissaient rapidement, elles n'arriveraient pas jusqu'à la côte et les surfeurs, ils n'auraient rien pour pratiquer leur sport. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Alors voilà un exemple de votre écriture où vous retrouvez plus vous dites grand coup de vent sur une plage bretonne, on ne trouve plus le même ordonnancement, deux points, les vagues s'élancent dans une mêlée confuse, se chevauchent, s'additionnent et s'enchevêtrent. Alors on va essayer de commencer à les définir. Est-ce que la vague part donc d'une onde élémentaire, et comme vous l'avez expliqué précédemment, mais la redondance fait toujours du bien quand on essaie de comprendre les choses, ces vagues élémentaires vont s'additionner. Vous avez un bel exemple, vous dites voilà, on peut avoir un vol, on peut avoir un étourneau, un joli oiseau, qu'on regarde individuellement, et puis un vol d'étourneau. Le vol des tourneaux, il est évidemment composé de la sommation magnifique de tous ces petits. La trajectoire qu'on va observer, ça va être la trajectoire du vol des tourneaux et pas la trajectoire individuelle de chaque étourneau dans le vol. Et à un moment donné, on peut même avoir le vol des tourneaux qui va prendre la forme d'une vague. Et ça veut pas dire que chacun des étourneaux ne fait pas son propre vol individuel à son idée. Oui. Sur l'ensemble, l'homogénéité de ces ondes arrive et va avoir une indication sur sa vitesse, en particulier, est-ce qu'on sait, on peut, je pars du plus simple, on va compliquer, bien sûr, mais est-ce que, quel type de vie ça a? Ça a une vie éphémère, ça a une vie en général, ça a une vie longue, sauf à venir se fracasser, évidemment, là c'est la mort de la grosse vague ou de la petite vague. Mais est-ce que il y a des durées moyennes ou pas? Est-ce que c'est une question idiote à se poser? La vague individuelle, quand on est au large, elle a une durée qui est de l'ordre de quelques minutes et encore, et de quelques kilomètres. Mais l'énergie qui constitue cette vague ne disparaît pas et elle reforme d'autres vagues à la place de celle qui a disparu. Oui. Donc on voit une vague à un moment donné. Si on est en avion, on peut essayer de la repérer, la suivre de l'œil, et au bout de 30 secondes, on l'a perdue. Par contre, il y a toujours des vagues en dessous. C'est toujours la même énergie, le même type de vague, mais la vague individuelle, elle est passée par le stade de la naissance, puis de la vie et de la mort en quelques minutes. Alors vous les définissez Donc ces vagues, Michel Lagnon, comme donc des ondes. Et évidemment, quand vous parlez, d'ailleurs tous les mots vont être beaux, je trouve que tous ces mots qui décrivent sont beaux, vous parlez d'ondes qui sont donc des ondes dissipatives. Hein, dissipatives du jeu, je suppose, quand on le dit dans un premier temps, ça veut dire dissipatives de l'énergie donc qui les compose. Hein. Oui, elles sont dissipatives, mais elles sont surtout dispersives. Dispersives, pardon. C'est-à-dire que elles ne voyagent pas toutes à la même vitesse. Oui. Et que donc au départ, si on a un paquet très restreint, comme une espèce de peloton de coureurs cyclistes ou de coureurs à pied, tout le monde se trouve ensemble au départ, et puis certaines vont plus vite que d'autres, oui. celles qui sont avec les plus grandes longueurs d'onde, donc les plus grandes longueurs entre deux crêtes. Successives vont aller plus vite que celles qui sont plus courtes. Et comme en général, ce sont celles qui ont les plus grandes longueurs d'onde qui sont aussi les plus hautes, on voit d'abord arriver les plus grandes vagues et ensuite les plus petites. Alors évidemment, déferlement et surtout moutonnement, ce que vous appelez le moutonnement qui dissipe une partie de l'énergie, hein, de celle qui reste. Ça, c'est une manière donc d'user l'énergie aussi. Hein. Quand on voit le moutonnement de oui, crête. C'est une manière de dissiper l'énergie, mais c'est aussi une manière de la recombiner. C'est aussi par ces déferlements que les vagues se combinent de manière différente. Alors je voudrais que si vous voulez bien, qu'on vienne à cette définition de vague scélérate, parce que ça va pas de soi. Il y a eu une conversation, il y a eu plus exactement un accord. C'est un peu comme la Société d'Astronomie, Internationale d'Astronomie, pour fixer le nom d'un corps, pour baptiser un cratère, ainsi de suite, on se réunit. Et là, il y avait un problème sur le mot, parce que le mot anglais est donc « rogue waves hein ». Oui, enfin, on a même deux mots anglais. On a freak wave qui signifie monstrueux, oui, et puis rogue wave qui signifie, bon, que j'ai traduit par scélérate, bon, méchante, qui a des effets entraîtres sur les navires et sur les plateformes. Bon. Quand on regarde le mot rogue, ça veut dire hautain en français. Il existe ce mot en français, mais il a pas le même sens. Hein. Le passage à l'anglais l'a un peu modifié. Mais vous dites que quand vous avez lu la définition du mot rogue en anglais, c'est bien ça, il y avait scélérat. En fait, voyou. J'ai cherché. Enfin, à l'époque où on a organisé le premier colloque Rogue Waves, on parlait des états voyous, ce qui traduisait, ce qu'en anglais on disait les rogue states. Et donc vague voyoute. Bon, ça faisait bizarre. Donc, c'est moche. Voilà, je voulais pas expliquer aux gens en français vague voyoute. Donc j'ai été prendre mon dictionnaire de synonymes et à voyou, il y avait scélérat. Bon, donc j'ai trouvé scélérat que ça allait bien avec le côté de prise en traître des gens qui y sont confrontés, et que j'ai retenu scélérat. Donc c'est vous, Michel Olagnon, qui avez amené sur les fonds baptismaux, si je puis dire, de la terminologie océanographique, le mot de scélérat. Oui, ça a bien plu. Là, tout le monde est d'accord. Hein. En cabine, tout le monde acquiesce, tout le monde est pour. Oui, voyoute, non, ça n'aurait pas été très très joli. Alors, maintenant, on va rentrer dans quelques définitions et dans le vocabulaire pour essayer de comprendre. Il y a une chose qui est extrêmement importante à comprendre pour les vagues scélérates, et pour toutes les vagues d'ailleurs, hein, d'une certaine façon. D'abord, il y a le concept de sévérité. Alors, comment... Michel Olagnon définit sévérité d'une vague. C'est difficile de définir la sévérité. Sa hauteur. Mais c'est déjà quelque chose qui est plus général que la simple hauteur. Oui. Parce que quand on met un navire, un petit bateau dans une vague, si la vague elle est très longue, bon, le bateau va se contenter de faire le bouchon et la vague ne sera pas sévère du tout. C'est comme un tsunami au large. Un tsunami au large, ça a une longueur d'onde de plusieurs kilomètres. Et donc, tant qu'on est au large, le bateau se contente de monter et descendre gentiment. Et il ne se passe rien. Et en particulier, la raideur de la vague intervient très fort dans la sévérité. Et les vitesses à l'intérieur de cette vague, les vitesses et les accélérations de l'eau, quand elle prend la trajectoire de la vague, ces vitesses ont beaucoup d'effets, oui. Parce que ce sont elles qui vont mettre le petit navire en rotation, le faire chavirer. Et donc, il suffit pas que la vague soit haute, il faut aussi qu'elle ait d'autres caractéristiques, en particulier de la raideur qui crée de la vitesse, qui crée du moment de rotation pour être vraiment sévère. Ce qui fait que quand on les voit, parce qu'il y a des vagues de tempête exceptionnelles, mais qui ne sont pas donc des rogue waves, hein, qui ne sont pas des vagues scélérates, mais ce qui marque, alors je sais pas, vous dites que c'est beaucoup sur le net de ces vagues scélérates ont été un petit peu trafiquées par Photoshop, mais en tout cas, d'évidence, une vague scélérate de 20, de 30 mètres de haut, c'est une falaise, c'est un mur vertical. Oui, oui. Ça fait affreusement peur, même parce qu'il n'y a pas de courbure, là, on se dit, oulala. Oui, c'est comme ça que certains commandants ont cru piquer sur les falaises de Douvres, le commandant du Queen Elizabeth II. Quand, et oui, oui. Bon, il voit la vague qui a l'air d'être comme un rouleau au bord d'une plage, mais qui ne déferle que sur la crête. Quoi. Il y a juste un peu d'écume sur la crête. Si on revient à ce que disait Shackleton, ça devait être ce même genre aussi. Parce que le lendemain, quelques jours plus tard, là, quand il est arrivé, il a vu les falaises la nuit. Ils ont couché sur la plage et il y avait des falaises noires avec la neige en haut. Et il s'est réveillé, il a fait un cauchemar, il a dit, ça y est, elle nous tient, et il a cru qu'il y avait de nouveau une vague, quoi. Une falaise, plus un couronnement. Une crête neigeuse. D'écume en haut. Oui, alors que oui, comme, c'est ça. Mais qui ne déferle pas, quoi, qui reste. Fixe. Oui, qui ne bouge pas. Donc, cambrure, soit, donc, les facteurs additionnels, cambrure, soit le rapport de la hauteur à la longueur d'onde et la période, qui donc relie en compte de la rapidité avec laquelle la vague s'élève. Donc il y a aussi la question des vitesses horizontales dans la crête, plus la raideur de la pente, et de la surface libre aussi, la pente de la surface libre, donc ce qu'on a vu, et la propension à déferler. Alors, vous dites qu'il y a, grosso modo, deux écoles, ou deux familles, enfin je ne sais pas si c'est toujours encore le cas, parce qu'il y a un grand développement, mais deux familles d'opinions qui coexistent. Ceux qui, pour expliquer ça, se fondent sur un critère chiffré, de seuil, hein, sur la hauteur, oui. Censé donc englober cette histoire de sévérité, hein. Et d'autres, ceux-là, qui n'ont pas cette conception et qui cherchent à mettre en évidence, par certains très particuliers, on peut souligner très particuliers, des individus anormaux, au sein d'une population, elle, parfaitement homogène, majoritaire et normale. Oui, il y a la famille de ceux qui croient simplement qu'on a les extrêmes de la famille, et les autres qui croient qu'on a une famille différente et plus extrême que la famille normale. Alors ceux qui croient qu'on a les extrêmes de la famille pensent que c'est simplement l'aléa qui va déterminer l'apparition de la vague, et ceux qui pensent qu'on a une famille différente vont chercher des théories différentes. Différente de la simplement superposition aléatoire et des interactions entre les vagues pour expliquer les vagues. C'est lesquels qui sont les partisans du signe noir, c'est-à-dire que c'est un, vous empruntez ça à un philosophe et qui est aussi boursicoteur, si je puis dire, pour aller vite, hein, et qui donne comme exemple, pensez le signe noir, c'est quand tout le monde s'attend, évidemment tous les signes sont blancs. Et puis on arrive en Australie et tiens, il y a des signes qui sont tout noirs. Donc d'un seul coup, là, ça rompt, ça rompt évidemment l'homogénéité de l'espèce, en tout cas du point de vue de la couleur et de sa morphologie aussi. Donc là, c'est quoi alors ceux qui sont les partisans du cygne noir? C'est une question difficile parce que le cygne noir de Taleb, c'est un événement totalement imprévu, exceptionnel, exceptionnel, extrême, mais que a posteriori on est tout à fait capable d'expliquer. Et la vague scélérate, c'est un événement totalement imprévu, exceptionnel, extrême. Mais qu'on n'est pas si capable que ça d'expliquer a posteriori. Oui, Wagner, c'est le vaisseau fantôme, bien sûr, mais on peut d'une certaine manière imager là cette musique quand on l'écoute par les mouvements ascendants, descendants. On peut même imaginer quelques déferlements de crête aussi. Je ne sais pas comment vous avez entendu ça, Michel Olagnon. Oui, c'est quand on retrouve dans certaines vidéos de gens qui ont subi des vagues scélérates, on a le navire qui monte et qui descend sur les vagues en période quasiment, effectivement, une espèce de chevauchée de navire. Et puis, d'un seul coup, en quelques secondes, alors qu'on a commencé à prendre le rythme, que ça paraît exaltant, d'un seul coup, une vague arrive et s'écrase sur la caméra. Bon, c'est fini, quoi. Alors, ce que je vous propose, parce que c'est c'est un exercice de vocabulaire, c'est un exercice de définition, et c'est aussi un exercice de description d'objets, rien à voir avec un tsunami, rien à voir avec la vague du tsunami, la vague scélérate, hein. Donc, normalement, rien à voir avec le tsunami, parce que le tsunami intéresse l'ensemble de la tranche d'eau, c'est tout l'océan qui se déplace d'avant en arrière, et puis ça fait des dégâts quand la profondeur de l'océan diminue et qu'il faut faire passer toute l'énergie qui passait dans la tranche simplement dans une profondeur qui se rétrécit de plus en plus. Alors que la vague scélérate, ça reste une vague due au vent, quelque chose qui a simplement frotté sur la surface et a créé une oscillation uniquement à l'interface entre l'air et l'eau. Oui. D'ailleurs, est-ce que le paramètre de la profondeur de l'eau, puisqu'on voit dans le cas du tsunami, il peut former une petite vague sur des centaines de kilomètres, et c'est à la fin, quand il rencontre la côte, qu'il y a donc cette dissipation dont vous venez de parler, Michel Ollagnon, et qui fait que là, la vague devient absolument gigantesque et détruit tout sur son passage. Donc là, le contraste est formé. Mais à nouveau, est-ce que la profondeur est un paramètre important ? La profondeur joue parce que quand on arrive à proximité de la côte, le fond remonte forcément. Et en faible profondeur, on a le fond qui frotte sur le déplacement de la vague, oui. Qui lui fait une espèce de croche-pied. Bon, et elle a tendance à se cambrer et à s'élever beaucoup plus et à déferler. Donc si avant de parvenir à l'endroit de faible profondeur, on avait déjà une vague importante, elle va se cambrer beaucoup plus. Et oui. Mais d'un autre côté, il faut que la combinaison soit entre les différentes composantes soit effective dès l'entrée dans la zone, parce que comme toutes les composantes se déplacent à la même vitesse en faible profondeur, mais une fois qu'on a formé une grosse vague, elle continue jusqu'à la côte. Quoi. Et si on ne l'a pas formée avant, elle ne va pas se former dans les derniers instants. Par oui. contre, on ne la verra peut-être pas. Oui, d'accord. Alors, vous donnez un exemple qui est absolument sidérant. Il date de 1958. Alors là, il y a eu une vague dans la baie de Lituya. Je ne sais pas si on prononce bien en Alaska. Lituya. C'est dit Port des Français, puisque Français, la Pérouse l'avait baptisé Port des Français. Oui. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour rendre hommage à Dumont d'Urville, puisque lui a vu une vague scélérate et on s'est moqué de lui. J'ai une grande admiration pour Dumont d'Urville qui, ayant vu des vagues scélérates, est mort dans un accident de train sous un tunnel, ce qui est quand même invraisemblable. Hein. Et alors donc, cette vague de 1958, 524 mètres de haut. Oui. Une moitié de kilomètre. Donc là, c'est comme la tartine qui tombe dans le bol, quoi. Enfin, là, on a une baie qui est très fermée et qui est entourée de montagnes grandioses. Oui. On a des montagnes qui montent à 3800 mètres autour et une baie qui est fermée par une langue de terre avec un passage de 20 ou 30 mètres de large. Et donc quand le flanc de montagne suite à un tremblement de terre tombe dans la baie, et apparemment ça se produit tous les 50 ou 60 ans, à ce moment-là, l'eau rejaillit sur le flanc opposé de la montagne et donc en 58, ça arrachait les sapins jusqu'à 524 mètres. Donc on est sûr de cette hauteur. Et en plus, il y avait des pêcheurs de saumon dans le mouillage qui ont donc été pris par la vague et ont vu les sapins sous la quille de leur bateau. Bon, ils sont passés au-dessus des sapins. Incroyable. Alors il faut dire que donc il y avait eu un séisme d'amplitude 7,9 hein, sur l'échelle bien connue, et c'est un pan de montagne de 30 millions de mètres cubes. Ouais. Sous l'effet de ce séisme, donc, qui s'est effondré et qui a provoqué cette vague, encore une fois, de 524 mètres. Oui. Alors là, ça a été un de mes plus gros étonnements. Il y a eu une vague scélérate. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a une en 563 dans le lac de Genève, pardon. Oui, oui. De Genève. Oui. Et qui a été observée par Grégoire de Tours. Oui, enfin, en tout cas, rapporté par Grégoire de Tours. Oui. On est en 563 et il y a des vagues scélérates dans le lac de Genève. Et c'est tout est possible. Oui, c'est le même principe. Hein. C'est un flanc de montagne qui est tombé dans le lac, qui apparemment a aussi entraîné le cône de déjection du Rhône donc à l'entrée du lac. Et donc, ça a dû monter à 8 mètres, je crois, à Genève. Donc, c'est monté par-dessus les remparts de la ville, en tout cas. 8 mètres, à l'époque. Oui. Alors il y a, c'est beaucoup plus récent, et là on voit aussi la puissance contre en particulier les ouvrages de l'homme. Hein. Vous parlez du delta à Vernis, hein, glissement de terrain, du delta sous-marin du Var, hein, c'est bien ça. C'était en octobre 1979, là... on fait des travaux, extension de l'aéroport et construction d'un nouveau port à Nice. Et il y a une vague terrible et qui provoque des dégâts absolument considérables. Oui, mais là c'est plus proche de tsunami que vraiment de. Oui, dans sa composition. La vague scélérate, c'est-à-dire que, si on est capable de prédire le tremblement de terre ou l'effondrement, on va être capable de prédire les effets d'une vague extraordinaire. Bon. Même si les programmes informatiques sont pas toujours aussi exacts qu'ils devraient l'être, mais bon. Donc retenons toujours cette presque postulat, hein, c'est que les vagues sont les filles du vent, hein, donc les vagues scélérates aussi, hein, puisque ce sont des vagues, ce sont toutes des filles du vent, donc et certainement pas des mouvements tectoniques, des effondrements de fonds sous-marins, des glissements, c'est tout autre chose. Hein. Alors. Vous donnez des exemples contemporains, hein, dans un chapitre que vous intitulez « Légende et histoire vécue ». Vous parlez du capitaine Tiens-Bon, Wilson Cameron. Alors lui, c'est incroyable, en 1963, il en rencontre deux. Alors, vous parlez de Carlsen, le capitaine Tiens-Bon qui... Pardon, oui, je mélange, oui. Donc Carlsen qui... avec le Flying Enterprise, était en charge de transporter une cargaison précieuse vers les États-Unis, et il a rencontré une première vague scélérate le lendemain de Noël. Bon. Et il a continué sa route malgré quelques dégâts, mais avec son expérience, il pensait qu'il n'en rencontrerait pas d'autres et qu'il arriverait à destination. Et il a rencontré une deuxième vague scélérate 36 heures plus tard. Et donc là, le navire a été à moitié chaviré. Et il est resté pendant combien ? 15 jours ? Oui, vous dites 2 semaines. Deux semaines. Mettre à bord, je ne partirai donc, pas. Seul à bord, avec les journalistes du monde entier qui entouraient et ne voulant pas abandonner son navire, parce que on sait toujours pas quel était la nature de la cargaison, c'est toujours classifié. Ah bon? Mais il l'a bien gardé, alors. Que c'était du palladium pour la construction du premier sous-marin nucléaire américain, le Nautilus. Bon. Et qu'il ait transporté une cargaison précieuse de palladium. Bon, la cargaison a été récupérée, mais sur l'épave, puisque le navire a coulé juste avant qu'il n'arrive. Comportement étonnant quand même, hein, ces types courageux jusqu'au bout qui restent avec son second. Et qui attend. Alors évidemment, vous dites que, en particulier pour les grands paquebots de plaisance, mais on peut généraliser, un des points faibles, évidemment, lorsqu'il y a des vagues scélérates, c'est la passerelle. Ce qu'on appelle la passerelle, hein, c'est ce qui est sur le haut du bateau, avec évidemment les commandes moteurs, avec le gouvernail, avec les tables de cartes, enfin les mesures, et c'est toujours vitré. Et c'est souvent par là que ça attaque, c'est bien ça? Bah oui. C'est fragile. C'est fragile. Autrefois, on avait des navires avec le château à l'avant. Oui. Et maintenant, la plupart des commandants ne voudraient pas monter dans un navire avec un château à l'avant. Par contre, on met toujours la passerelle à l'avant sur les ferries et les paquebots de croisière. Oui. Et donc, s'il arrive une vague extraordinaire, bon, cette vague enfonce les vitres de la passerelle et inonde des armoires électriques qui commandent tout le navire. Oui. Donc le navire se retrouve désemparé sans que vraiment la vague elle-même n'ait atteint la structure. Alors on avait le temps pour lire le récit de, d'Alain Gerbaud, qui a fait son tour du monde, hein, ex-champion de tennis, vous le rappelez, dans votre ouvrage, et qui lui aussi aurait rencontré donc une vague scélérate, mais malheureusement on n'a pas le temps. Vous faites un distinguo donc entre les petits navires et les grands, et vous parlez donc d'un événement qui s'est passé le 27 janvier 2005, où un certain nombre d'étudiants, ils étaient 700, vous le rappelez, à bord d'un bateau de recherche qui s'appelle Explorer, sont dans le Pacifique Nord, et là, eh bien justement, les vides de la passerelle volent en éclats et le privent de ses moteurs en plus. Du coup, il y avait quatre moteurs, je crois, et ils n'ont réussi à en redémarrer qu'un après l'événement, et donc c'est un semestre qu'ils passent à la mer dans une université pour apprendre. C'est ça, et là vraiment ils ont appris des choses. Ah ben là oui, ils ont appris la plus grande colère possible de l'expression courroucée de la mer, hein, oui. Dans cette circonstance là de stage. 14 février pour le Grand Voyager, c'est ainsi qu'on l'appelle, 477 passagers, 313 membres d'équipage, dans une croisière Tunis-Barcelone en pleine Méditerranée, là une scélérate explose, la passerelle, à nouveau. Oui, mais là, ils les mettent effectivement, quand on voit les photos, ils les mettent vraiment devant, et l'un des moteurs reste en fonction, et là, le bateau peut rallier Calgary, pas de mort, pas de blessé. Bah, ça, c'est vraiment coup de peau aussi, hein. Alors qu'il y a évidemment des situations où il n'y a eu aucun survivant. Est-ce que vous avez un exemple ? Est-ce qu'il vous revient un exemple à l'esprit ? Des situations sans survivants. Oui. Le plus probable, c'est le Derbyshire, oui, qui était le plus grand minéralier jamais perdu par la marine britannique et qui a coulé dans le Pacifique, donc dans le typhon Orchide. Et là, il n'y a pas eu de survivants, mais donc après des décennies d'enquête, on a retracé le naufrage à l'enfoncement des panneaux de cale avant. Point fragile, hein, bien sûr. Oui, point fragile. Oui. Par une vague scélérate qui serait retombée dessus. Oui. Ça a été pendant très longtemps nié par tout le monde parce que on pensait que c'était la structure du navire qui avait cassé par ailleurs dans l'ensemble des vagues. Ouais, et non on pas, niait donc le... et non pas une vague isolée qui ouais. aurait enfoncé les panneaux. Oui. Et c'est vrai, vous le soulignez, donc c'est le plus grand bateau britannique. Bateau de guerre. C'est la plus grande perte de la marine britannique en temps de paix. Alors, on va arriver maintenant évidemment aux observations. Quels sont les moyens donc d'enregistrement ? Puisqu'il faut regarder, il faut arriver à avoir des données, il faut arriver à comprendre comment se forment les vagues, il faut savoir aussi leur nature, il faut savoir leur fréquence, ainsi de suite. Alors là, vous avez une analyse où pratiquement... On comprend que c'est difficile, on comprend. Par exemple, les bouées. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir comme enregistrement statistique des mouvements de la mer, l'utilisation des bouées, Michel Olagnon? Une bouée suit le mouvement de l'eau. Et donc, on a d'une part pas la notion du niveau moyen. On ne sait pas où se situe le niveau moyen. On est obligé de faire la moyenne de la trajectoire de la bouée, mais c'est pas du tout la même chose parce que la bouée, quand elle est dans la crête, elle suit la crête, elle est poussée par crête, donc elle reste beaucoup plus longtemps qu'elle ne devrait dans la crête. Et quand elle est dans le creux, au contraire, elle est ramenée en arrière, et donc elle rencontre la vague suivante beaucoup beaucoup trop vite par rapport à la mesure réelle du profil de la vague. Or, c'est justement cette différence avec une sinusoïde, cette dissymétrie qui fait que les crêtes sont pointues et les creux sont plus aplatis, qui permet de savoir si la vague est sévère ou pas. La sévérité, la cambrure se mesure sur cette différence, donc que la bouée ne nous donne pas. Oui. Et que les autres moyens de mesure, tant qu'on n'a pas une plateforme où on peut mettre vraiment quelque chose qui mesure depuis un point fixe, les autres moyens de mesure ne nous le donnent pas non plus. Oui, c'est-à-dire qu'on a tout perdu. C'est-à-dire, comme encore une fois, c'est un phénomène qui est un phénomène ondulatoire, hein, sinusoïdal, on n'a plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas ni la longueur d'onde, ni sa fréquence. Enfin, on n'a que la différence entre la crête et le creux. Et pour une des plus grandes vagues, par exemple, le creux est à moins 10 mètres et la crête à plus 18 mètres. Donc, oui. La vague, si on prend le creux un peu avant, où il était à moins 15 mètres, elle fait 33 mètres. Si on prend le creux tel qu'il est à l'endroit même où on a eu la crête, elle ne fait que 28 mètres. Alors les plateformes, c'est peut-être plus pratique, c'est fixe, ça bouge pas, là ça peut vous aider. Les satellites, vous n'êtes pas très content, hein? Les satellites, non, je suis pas très. Enfin, personne n'est très satisfait. Tout le monde avait de grandes espérances avec les satellites. Bah, Poséidon, Topex Poséidon a apporté des choses, en particulier de voir qu'il y a un dénivelé dans le Pacifique. Enfin, des choses incroyables. Oui. Mais l'amateur de vagues folles comme les vôtres, Michel Olagnon, non, ça marche pas. Les résolutions n'étaient pas bonnes. Mais les vagues, ça a toujours été un sous-produit de la mesure du niveau des océans. Donc, personne ne s'est fatigué à nous donner de bonnes données de vagues. Les gens veulent le niveau des océans avec la précision du centimètre. Et puis, si ça se passe bien, en même temps, on offre aux scientifiques que ça intéresse la hauteur des vagues. Bon. Alors, vous vous êtes, si je puis dire, amusé avec les statistiques, en particulier du champ de Frigg. Et là, vous avez regardé combien de tempêtes? C'est incroyable, quelle patience. J'ai regardé des centaines de tempêtes. J'ai regardé plus d'un million de vagues, deux millions de vagues, je crois, sur le champ de Frigg. Et j'en ai regardé encore plus sur d'autres champs, Halloween North, etc. J'ai encore regardé plus de millions de vagues. Et c'est toujours dans l'Atlantique Nord, ça, hein? Dans les deux cas, c'est ça? Frigg, c'est dans l'Atlantique Nord. Donc, Frigg, c'est dans dans la mer du Nord centrale. Oui, c'est ça. Ou du Sud, si on veut. Halloween est peut-être un petit peu au nord de Frigg, mais pas beaucoup, je pense. Oui. Donc c'est la mer du Nord, c'est là où passent toutes les dépressions les plus fortes, que nous, on arrive à éviter, des fois. Bon. Alors, il y a évidemment l'enregistrement statistique, c'est un travail important parce qu'il faut voir sans arrêt avoir le souci des marges d'erreur. Oui. Hein, et là, vous êtes, c'est difficile. Et est-ce qu'on peut imaginer maintenant, ou est-ce qu'on peut présenter rapidement, mais je sais que dans le détail, ça devient difficile parce que ça va être même très étonnant pour beaucoup. Michel Olagnon, quels sont les moyens, cette fois non plus statistiques, mais les moyens théoriques, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre d'hypothèses appuyées sur, évidemment, un appareillage mathématique. Alors, on est très, très surpris de tomber, par exemple, sur, que sais-je, moi, les équations, l'équation de Schrödinger, qui est une équation absolument fondamentale. Hein, et d'un seul coup, on se retrouve en mécanique quantique, avec des probabilités de présence. Là, donc, On a deux théories. L'une qui est simplement le hasard avec les interactions entre les vagues, et l'autre qui est la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger non linéaire. Qui explique comment il y a une respiration des groupes de vagues avec à certains moments dans le groupe 7 ou 8 vagues ou 10 ou 11 et puis à d'autres moments une seule ou deux. Bon. Alors, le groupe, c'est l'enveloppe de l'énergie. Donc, il y a la même énergie à certains moments, dans 10 ou 11 vagues, et puis dans une ou deux, à d'autres moments. Donc, quand c'est dans une ou deux, ben, il est forcé que la vague, elle monte très haut. Et l'équation de Schrödinger modélise ce phénomène-là, oui. Vous utilisez d'ailleurs le professeur qui sait dompter les boas, où vous voyez un boa en train d'avaler, où vous figurez un boa en train d'avaler un éléphant, hein. Oui. Et donc, c'est une manière, dans cette enveloppe-là, celle du boa, de voir quelque chose qui va qui enfle d'une certaine façon. Je voulais mettre l'idée à la portée de gens qui n'ont pas fait Bac+7 en mathématiques et en physique. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui leur parle, quoi. Alors, on va arriver à la conclusion. Vous dites qu'elle est frustrante. Et il y a trois questions. Y a-t-il plus de vagues extrêmes que ce que laisse prévoir la théorie? Et vous répondez? Non, il y en a moins. Donc, pas aux échelles d'or arctique que nous pouvons explorer dans les mesures dont nous disposons. Deuxième question. Les hypothèses qu'utilisent les matheux pour en reconstruire d'artificiels se retrouvent-elles quand on les observe dans la nature? Eh bien, ça, on ne sait pas. Mais oui. Il y a une raison simple, hein, d'ailleurs. Enfin, simple. Facile à dire. C'est tellement difficile de mesurer qu'il faudrait tout mesurer autour de la vague scélérate. Et en plus, personne n'a envie d'aller mesurer auprès d'une vague scélérate. Bien sûr. Et puis, on est devant une situation où on ne connaît pas les conditions initiales, bien évidemment. Alors que quand on le fait dans un appareil de laboratoire, on connaît, évidemment, et on calibre l'origine du vent, le vent quoi, qui va faire naître, c'est-à-dire l'énergie qui va faire naître la vague qu'on observe. Et puis, troisième question, à défaut d'autres indices, permettrait-il de définir, donc, je suppose que c'est ces modèles, hein, des situations à risque? Et là, alors, je vous laisse le dire. J'ai une réponse qui est mitigée, c'est-à-dire que les situations à risque, on en connaît certaines, donc celles-là, on peut effectivement les définir, mais que derrière cette question, c'est souvent est-ce que on peut éviter, est-ce qu'il y a des conditions qui nous permettent de les éviter, et là la réponse est non. Et ben voilà, nous restons sur cette idée concernant les vagues scélérates. C'était Continent Science et merci de votre attention et de votre fidélité. Aujourd'hui, à la cabine technique, Bruno Gagnin-Fontanil pour la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation d'Annie Journaud, Stéphane Delis-Georges. Comme vous le savez, Continent Science est balado diffusé. Vous avez la possibilité de télécharger donc cette émission Une Grande Année et l'écouter 1000 jours. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Dans quelques instants, à 15h, vous retrouverez cette fois Culture Musique. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.